jouait de l'accordéon tous les soirs à 10h. Elle ne connaissait qu'une chanson qu'elle avait appris par cœur. Les seuls qui l'observaient, c'était les veilleurs. Le temps de se raconter tout leur malheur. Elle était vieille, elle boitait, et elle avait des tocs. Elle aimait beaucoup jouer et faire du troc. C'est la seule du quartier dont on se moque. Elle avait dans ses souliers des ampoules en stock. Marie est partie acheter des cigarettes à l'arrêt d'un taxi. Elle a cru le reconnaître. Cela fait bien s'ennuie qu'elle ne l'a vu reparaître. Aucun signe de lui, pas même une lettre. Et un jour du mois de janvier, laquelle avait disparu. Aucune trace de sang soufflé, l'hiver l'avait vaincu. Alors je me suis installé sur ce même coin de rue et je fais résonner son accordéon perdu. Après, trois jeunes sans inspiration se mirent à chanter cette petite chanson. Ils jouaient de l'accordéon tous les soirs à 10h. Ils ne connaissaient qu'une chanson qu'elle lui avait appris par cœur. Les seuls qui l'observaient, c'était les veilleurs. Le temps de se rappeler qu'elle avait si bon cœur. Le temps de se rappeler qu'elle avait si bon cœur.